d'être au bord de mer avec son petit cocktail, etc. Même si ici à Orléans il fait pas très beau si vous êtes d'Orléans. Et donc voilà, donc c'est aujourd'hui une émission spéciale sur la playlist de l'été et du soleil. Donc on commence en musique plutôt avec Maria Joanne, comme d'habitude, si vous nous écoutez souvent. Et après on part avec la musique, mais la musique qui n'y a pas plus été. Obsession des Aventura. Es que Et si vous aussi, vous voulez participer à notre playlist avec Lola et Lucie de l'été, appelez-nous au numéro que vous connaissez tous, au 02 38 43 48 00. Et on continue avec une musique plus dynamique, mais qui fait toujours sensation, Ikefwe, de Don Megalo. Quem brinca com o fogo um dia pode até se queimar, mas eu não tenho medo. tus varón para olhar. Ay, como es linda, ay, como es boa. Mas ela é minha y con ella vou me casar. Ay, como es linda, ay, como es boa. Cuando ela passa, todos param para olhar. Ay, como es linda, ay, como es boa. Mas ela é minha y con ella vou me casar. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Can I let my love in? De Sofia Reyes, Jason Derulo. Et j'avais oublié de préciser au début, vu qu'il n'y a pas Lola et Lucie, aujourd'hui on aura deux top 3, un sur Neamus et un sur Daddy Yankee, le chanteur de la prochaine musique, où nous avons une dédicace de Sandra, qui a bien suivi, j'avais pas encore dit les chanteurs du top 3, mais qui avait déjà réfléchi à ça pour cette spéciale été. Et on écoute Limbo de Daddy Yankee et elle nous fait une petite dédicace en nous disant qu'elle a hâte d'être en été au bord de la plage, boire des cocktails, comme tout le monde je pense en ce moment. Et donc on écoute Daddy Yankee, Limbo, et on retrouvera cet artiste dans le top 3 à 17h30 pardon, et Né et Manus à 16h30. Sube la bajada y vuelve bajo, pasa la suelta la cadera y muévete lo que tienes. piso va y pasa el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo. Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasar la caliente con toda mi gente. Los sabores, el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Sub, sub, sub. Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailar lo caliente, de pal y de frente. Los sabores, el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Sub, sub, sub. Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajuste, que me tiene loco hasta esta soltura. Ese movimiento es una dulzura, uva. No importa la bandera, se formó y salpa afuera. Pasando la temperatura, yo te vi bailando lindo. Neverita puesta en la esquina, tu DJ para la bocina, así todos llegan por el ritmo. Porque esto está como como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasar la caliente con toda mi gente. Los sabores del sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Sub, sub, sub. Faire comme Sandra, participer à cette playlist de l'été. N'hésitez pas à nous appeler et à nous donner vos propositions musicales. Et on écoute une musique maintenant qui est sortie cette année, si je ne dis pas de bêtises, ou en fin d'année, en décembre, quelque chose par là. Une musique de Bombo Cash qui est maintenant vraiment dans nos playlists de l'été. Me Colossal Samba. Meu coração não vai, essa samba, essa samba para te ver. Meu coração não vai, essa samba, essa samba para te ver. Meu coração não vai, essa samba, essa samba, samba por ti. Meu coração não vai, só quando te vê que ela é feliz. Fica gelado, não aguenta viver sem ti. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, aí o mundo para com o nosso amor. Meu coração não vai, só samba, só samba para te ter. musique qui est sortie l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois. Lose My Man, une musique qui fait rêver de l'été. Avec Lola hier, de mettre dans notre playlist de l'été, et ben on l'a fait. Mike the Guide, Ronda et Nossa. est 16h32, l'heure de notre première chronique sur le groupe Nemanus. On commence avec une musique qui date de 2012, Kachupa con Berumbo. On écoute. Excusez-moi, en 2015, Fazer Cowell. Ayue, elele, estou aqui, vem pra mim, gosto dela, é donzela. Vou fazer aha com ela. Ayue, elele, estou aqui, gosto dela, é donzela. Vou fazer aha com ela. Meu amigo segredou, olha. saia curta dela, um olhar ela mandou, eu fiquei vidrado nela. Vai ter história para contar o que vai acontecer. Não sei como a conquistar, se é convido para dançar, se é convido para beber. Vai ter história para contar, pois vai. Estou no clima de paixão. Não sei como a convidar, tenho medo de falar. Vou cantar-lhe esta canção. Ai, ué, delele, estou aqui, vem para mim. Avec la dernière musique de ce top 3 sur le groupe Nemanus, qui sont les frères que tout le monde connaît, je pense. Beijo de Funana, qui est sorti il y a pas très longtemps aussi, bon, il y a quand même 3 ans, en 2021. On écoute. Estás colado em mim, sentir-me longe do bem. Ver o teu rostinho em mim, fazer-te um pouco de calma. C'est la fin de ce premier top 3 d'aujourd'hui qui était sur le groupe Nemanus. Mais nous en avons un deuxième à 17h30, car oui, aujourd'hui, il n'y a pas les filles. Du coup, j'en fais deux, car je veux pas faire l'horoscope. C'est très compliqué pour moi. Et les filles, je les laisse à Lucie, qui le fait très très bien aussi. Bah, les deux le font très très bien, c'est pour ça que je les laisse. Donc, notre deuxième top 3 qui sera sur l'artiste que j'ai cité tout à l'heure, Daddy Yankee, sur trois de ses musiques qui sont un peu phares quand même et qui sont à mettre dans notre liste de l'été. Donc, si vous voulez me donner des artistes pour les fois prochaines ou pour aujourd'hui, comme je l'ai dit depuis le début, mais pour les prochains top 3, n'hésitez pas à répondre à nos sondages qu'on va faire sur nos réseaux sociaux. De notre émission de radio qu'on va faire cette semaine, pour la semaine prochaine, et où nous appeler maintenant au 02 38 43 48 00. Et on écoute, on continue en musique plutôt avec Enrique Iglesias. And if you look, you'll fall in love. She got that ass, she make it clear. She leave you sore, and now you're hooked. The way she dance, she gon' make it move to Miami. She gon' make it move to Miami. In Miami, never happy. She said no hands, booty still clapping. She wanna be Eve, baby. Here's an apple. Welcome to the booty shaking capital. MIA. Heard the mummies on the train. Heard the mummies get loose. Heard the mummies don't play. When they bodies like boom, when they booties like bang. Yeah, those high, man. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move to Miami. Hey, watch out for this. Watch out. place, so me God send me in ya. When good music a place, so me God send me in ya. Kill any sound violate, so them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me God send me in ya. Me go the artist, yes, me go the artist. Man a real general, the rest of them a novice. Step in the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me walk up at the Paris. Hey, now me friend them a girl is crafty. Girl, them know say me a the smartest. Up in your face, tell the grades it's a place. They know you don't fit with the artist. Hey. Et sur la prochaine musique qui va suivre, c'est une artiste que vous allez pouvoir bientôt découvrir en vrai à la Saint-Jean, le 6 et 7 juillet, si je ne me trompe pas, et je crois que je me trompe pas du tout, qui est Daniela Henrique, qui a sorti son album qui n'est pas sorti il n'y a pas longtemps, et avec toutes ses musiques. Et on va en écouter une, qui est Ou Amor Nao Isego, de Daniela Henrique, que vous pouvez retrouver à la Saint-Jean. Lembra meu amor, tudo pode mudar. Um dia quem amou pode também deixar de amar. O amor tão eterno, vou-te dizer mais uma vez. Eu, tu e ela, foi a conta que Deus fez. O amor tão eterno, vou-te dizer mais uma vez. Eu, tu e ela, foi a conta que Deus fez. Um, dois, três. et on continue avec Aranga de Becky G. Arranco, dímelo papi, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado con una domi. Ya tengo un tigre que me saqué parecía en los weekends. De ti ya me olvidé, ya me olvidé. ¿A ti qué te pasa? ¿Pa qué estás llamando? Si a mí la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu su amor no va a joderme otro verano. Ponte la llanta y arranca por el carajo. Arranca. Yo sé que estoy llamando porque quiere candy. Yo no sé tu plan B, esa chichi maldi. Yo tengo suplente que me baja el panty. Mi peu, ese y yo no te pa' ti. Me puse rica y a ti no te gusta. Estoy como el cangri. Lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Mejor está un verano, pero este no. ¿A ti qué te pasa? ¿Pa qué estás llamando? Si ni la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor no va a joder nuestro verano. Ponte las dientas y arranca pa'l carajo. Muévelo, que muévemelo, pero de una vez. Dile que tú eres mi mujer. Yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Yo sé que te quilla y que te llena de odio, por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca, yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca, bájale dos a la tóxica celosa. Un groupe qui se nomme Os Maravillas et on écoute Manzini. Juntos, ni que esté mamaizinha. Yo n'irai jamais mes origines.

canciones que desvelan mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Que me muero por tenerte junto aquí a mi lado. Quiero que me escuche, yo te estoy llamando. Deja que te cuente todo lo que siento por ti. Yo te voy a decir toda la verdad. Yo te daría mil besos sin vacilar. Pasar la noche entera y yo muriendo porque me quieras. De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder. Tienes el fuego que me castiga. Mi ser te anhela, nunca te olvida. De tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Tengo 2000 razones para hablarte, amores. Son las canciones que desvelan mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Son mil razones para hablarte de amores. Son las canciones que desvelan mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Cette musique était d'une petite source de, comment dire, d'information pour la semaine prochaine. Cette musique était de la part de Lucie, Lucie notre animatrice qui fait des chroniques sur les séries et émissions. Et cette musique là était une musique de la série La Reina del Flow qu'on vous présentera. Qu'elle vous plutôt présentera la semaine prochaine. Donc, à cette musique était dédicacée à tous les fans de cette série. Et j'en suis peut-être un. Et Lucie aussi, je crois. Donc, elle vous la présentera la semaine prochaine. Pour la prochaine musique qui commence déjà, c'était une dédicace pour tout de ma grand-mère pour tous nos cousins. Donc, moi, Lorenzo, Timéo, Maël. Et Nolan, elle nous fait des gros bisous. Et Alexandre, bien sûr, que je n'avais pas oublié. Elle nous fait de tous des gros bisous. Donc on la remercie, on lui fait des bisous aussi. Et on écoute Oh My Oh My Oh de Chris Ribeiro. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, oh, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it, get jiggy.

avec une musique qui est avec plutôt un groupe de frères qui sont incontournables et qu'il faut absolument dans nos playlists d'été, Kalema. Et on en écoute pour cela. Allez. Se vês pra mim andando a meia volta,

que yo era solo para ti. Días cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Días y te reías y te burlabas de mi gran amor. Días y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Said the chop on it, two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a chance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on. Plutôt, qui est sur Dandy Yankee. Et on commence avec une musique qui est sortie en 2011, La Despedida de Dandy Yankee. Donc on écoute pour notre playlist de l'été. Thank you. Et on continue avec le célèbre Daddy Yankee, une musique qui est date de 2018, Lo que pasó, pasó. Donc que je pense que tout le monde connaît et qui nous fait rappeler de bons souvenirs. On écoute. Spécial Daddy Yankee avec une musique qui est sortie en 2022, donc pas très ancienne, Rumbanto. Bye. voici la fin de ce top 3 spécial Daddy Yankee. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau top 3 que je vais vous présenter. Je ne sais pas encore, je vous prépare peut-être des surprises. Et pour les savoir, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Avec Vous Radio, sur Instagram et Facebook. La prochaine musique est une dédicace de Sandra pour sa fille Zoé. Elle lui fait de très gros bisous. Elle lui dit qu'elle l'aime très très fort et qu'elle a hâte de la retrouver. Donc on lui fait tous des bisous aussi à Zoé et à Sandra. Et pour cela, on écoute Kekalor de Major Lazer. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, bailalo por obligación. Qué calor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo un seguro y yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global, anda suelto el animal. Mano arriba el que es real. Esto se va a hacer. Qué calor, qué calor. En la discoteca, qué calor. Por favor. Pas beaucoup de temps pour la fin de cette playlist d'été. Donc nous allons continuer avec un groupe que vous connaissez tant et que vous allez revoir très bientôt. On les retrouvera le 6 et 7, plutôt on les retrouvera le 6, le samedi soir, Capanegra. Donc on la met aussi dans notre playlist de l'été. Et pour cela, on va écouter leur titre Simple Bombard. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer. Com as mãos no ar, oh, oh, oh. Ninguém vai parar. Finir notre playlist de l'été, mais quoi? Qu'est-ce que nous n'avons pas mis dans notre playlist de l'été? Une musique incontournable pour cet été et de tous les étés. Danza Kuduro. Ok, great. I'm waiting for you. See you then. Bye. Hey, ¡Cabe! émission se touche à la fin et c'est le moment de nous quitter. Donc j'espère que vous avez, à travers cette playlist, pu vous ambiancer, danser le coup d'eau comme la musique d'avant. Et oui, comment ne pas mettre le coup d'eau dans notre playlist de l'été? Et il y a plein d'autres musiques, mais tellement de musiques qu'on n'a pas pu mettre. Mais ça fera le fruit de prochaines émissions, donc de playlist 2 de l'été. Donc nous allons bientôt nous quitter du coup. Donc la semaine prochaine, nous retrouvons avec Lucie, avec nos chroniques, donc qui seront toujours le top 3, que je vous dévoilerai en petite énigme sur nos réseaux sociaux. Et Lucie avec ses films et séries. Donc j'ai dit une des séries qu'elle allait nous présenter, qui était La Reine d'Elflo. Donc on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous allons diffuser demain encore une vidéo, qui sera la dernière, sur le bal qui s'est déroulé samedi avant, donc le samedi, le 13 avril, sur Georges Ferreira. Donc n'hésitez pas à nous suivre donc, sur nos réseaux sociaux avec-vous-radio, Instagram et Facebook. Donc on se dit à très bientôt et je laisse la place à Violette pour votre émission traditionnelle. De gros bisous et à bientôt.